L'année où t'es né, un général d'armée voulait buter les Asiatiques à coups d'armes bactériologiques. Elle aime pas les cocos, l'Amérique. Tu l'aurais pas aimé, cet enculé. Tu découvres les yéyés, les chanteurs francisés. Ça te donne quelques idées, Mistral gagnant dans le nez. La guitare et la mob t'as aimé. Les inégalités, ça te fait gerber. Séchant le tétard. T'es déjà furibard. Sous les pavés, la plage, au lycée, c'est des nazes. Les manifs, c'est bien mieux pour montrer au nez de bœuf. Aux fachos et aux gros dégueux, qu'on peut lutter quand on le veut, mon neveu. Un art au mont Lezer, de Zola à Prévert. Tu écris quelques vers comme qui dirait contestataire. Tu chantes le Paris populaire. Pas question pour toi de te taire. Séchant le communard. Faut se bouger, y'en a marre. Chanteur et théâtreux, ta vocation c'est les deux. Tes révoltes, tes idées sont transcrites sur le papier. 75 c'est l'année du premier. L'amoureux de Paname est né. De CD en concert, de Loubar à Lambert. Tu dédies à tout va, politique, cinéma. Mais plus personne dans tes bras pour s'occuper de toi à moi. Séchant superstar. Tu rentrais tard le soir. Renaud Renard comme Gainsbourg Gainsbard. De facettes ça craint, surtout au quotidien. Et quand la grande picole te tient, tu perds tous tes moyens, nom d'un chien. T'es fragile à faire peur, tu t'écroules avant l'heure. T'as des primes d'opprimé, tes boissons anisées. Tes gonzesses se sont barrées. Tes luttes sont terminées, t'es largué. Séchant le renard. Faut sortir ton plumard. Putain t'es parti où, sale petit voyou. Ta jactance s'est fêlée, ta musique s'est arrêtée. Mais je suis sûr que tu vas recommencer. La France entière t'attend, enfoiré. Remets-toi au boulot, sans toi putain c'est chaud. On t'aidera, soutiendra, plus jamais t'auras froid. Encore et encore on t'aimera. On ne sera là que pour toi, pour toi. Le Renaud repart. Et au placard les ringards. Et au placard les ringards.